Sont-ils des geeks ? Sont-ils fanboys ? Sont-ils des otaku ? Bienvenue dans l'émission Les Potes Calés. Animé par Teddy et Fabien. Vous êtes quoi, bordel ? Nous. Sommes Venom. Nous revenons tout juste de la séance cinéma de Venom, donc le film de Ruben Fleischer avec Tom Hardy. Tom Hardy, on le connaît parce qu'il a incarné Ben dans The Dark Knight Rises. C'est un acteur qui, généralement, varie les rôles. On vous dira comment il s'en sort dans le rôle d'Eddie Brock. Mais avant tout ça, j'aimerais faire un petit retour sur les origines de Venom. C'est apparu en 1984, sous le crayon de David Michelinie et Todd McFarlane. Todd McFarlane, ça te dit quel autre super-héros il a créé pour toi? Spawn. Qui a donné suite à un film qui est assez médiocre d'ailleurs. D'ailleurs, on retrouve la patte hein, dans Venom et Spawn. Ouais, c'est ça. Cette patte gluante dégueulasse, ouais. On retrouve dans les deux. Le costume qui est un peu qui moule, qui se déforme et tout. Ouais, puis qui est pas net, tu sais, qui est visqueux même dans la BD. Hein. C'est ça. Ouais, on retrouve bien. Donc voilà quoi. On se rappelle aussi de la saga Guerre secrète. C'est là qu'il est apparu. L'histoire, c'est que Spider-Man se retrouve sur le monde de Battle World et il va dans une espèce de labo et il y a une boule toute noire qui l'enveloppe et qui forme son costume noir en fait. Mais donc il revient sur Terre et puis il se rend compte que son costume est organique par le fait de suite à un examen qu'il fait chez les Quatre Fantastiques, donc Reed Richards, et il abandonne son symbiote grâce notamment à une faiblesse qui provient des fréquences de sonore. Et ce symbiote, il prend la forme de Eddie Brock qui était justement dans la même église. Et c'est là que commence un petit peu la saga de Venom, donc en 1988 avec le premier symbiote. Il y a aussi Carnage, qui est aussi un grand ennemi de Spider-Man. Il y a tous ces symbiotes qu'on apprend à connaître dans un arc qui s'appelle la planète des symbiotes en 95. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces symbiotes qui ont le nom de leur race, c'est Clinta en fait. En fait, les symbiotes, on va repartir sur un peu les plus connus. Mmh. Donc on a Venom, je pense que c'est le plus connu des symbiotes. Et celui qui a évolué le plus depuis ses débuts, hein, quand même. Hein, qui passait quand même d'ennemis à héros, à anti-héros, même peut-être pas dans l'ordre, mais comme ça. Après, on a Carnage, le plus vicieux de tous les symbiotes. Puis après, on a des symbiotes un peu plus posé, on va dire, genre Toxine, qui est d'accord avec son hôte. C'est l'un des premiers symbiotes qui se met à réfléchir avec son hôte et puis à être vraiment en symbiose avec son hôte. Après, on a les anti-Venom, Lady Carnage, puis c'est après, ça. On a une flopée, hein, Riot. On en a vraiment une flopée et on peut tous les nommer. Bon, il y a Agony, Scream, il y a Toxine, il y a Anti-Venom, il y a... C'est Anti-Venom, celui qui est blanc là, et noir Celui qui est noir et blanc, donc avec les couleurs inversées, c'est l'Anti-Venom. C'est Flash Thompson Ça dépend. Agent Venom, c'est Flash Thompson, et l'Anti-Venom, il y a eu un moment, c'était même Osborn, mais le fils Osborn. Oui, c'est ça, il y a Norman Osborn qui est revêtu le symbiote de Carnage. Et il y a même, moi, quelque chose que j'ai appris récemment, c'était que le symbiote de Carnage a même fusionné avec le Silver Surfer. Prénommé Carnage Cosmique. Ouais, après c'était dans un What If, hein, ça. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, y a aussi le fait qu'on retrouve le symbiote aussi qui a fusionné avec un Tyrannosaure Rex, et c'était dans le Old Man Logan. Après, donc, les symbiotes, l'origine des symbiotes d'origine. Donc, moi j'ai vu ça il n'y a pas très longtemps hein, sur une vidéo internet d'un youtubeur de l'équipe Trash qui s'appelle Alcor. Et en fait, le père des symbiotes, c'était pas un symbiote, il s'appelait Knull. Et c'était quelque chose, un être qui était là avant le Big Bang. Et quand le Big Bang est arrivé et tout le lot des éternels, des externels, des célestes et tout, il supportait pas le bruit que ça a fait et il s'est dit, tiens, je vais désinguer tout le monde. Il a tué celui qui, les premiers éternels, il en a fait la tête de la base de Nowhere. Donc apparemment c'est lui qui aurait tué le premier éternel. D'accord. Et puis après il s'est dit je vais créer des symbiotes. Alors il les a créés avec du feu et en tapant sur une enclume. C'est pour ça qu'ils sont allergiques au feu et au bruit. D'accord, ah ok, voilà vraiment l'explication. Et ça c'est récent hein, ce que tu dis là. Alors la série de BD, je serais pas te dire de quelle année elle est, il faudrait regarder la vidéo pour plus de détails. Moi je vous invite, parce qu'elle est vraiment bien faite, la vidéo d'Alcor. Ça permet d'avoir une origine des symbiotes qui est quasiment déifique quoi, parce que voilà, Knull il est à la hauteur, même plus grand plus grand au niveau pouvoir qu'un surfeur d'argent, qu'un Galactus, qu'un Céleste, même que la même mort, Katanos, quoi. Ou que l'éternité, ou que le chaos. D'accord, il est même supérieur à Thanos avec son grand coup. Supérieur à tout le monde, mais parce que en fait, c'est pas de l'entendement de notre univers, c'était dans l'univers d'avant, donc ça dépasse notre propre entendement. Oh là, c'est vraiment extra cosmique cette affaire. Bah même Galactus de mémoire, il était antérieur au Big Bang aussi. Hein. Ah ok. On devrait le revoir d'ici quelques années vu que Disney a racheté la Fox et qu'il a racheté aussi les droits de Galactus. Donc à mon avis, on va avoir une espèce de reboot du Silver Surfer, des Quatre Fantastiques et du Galactus. Enfin tout le tremblement. On s'éloigne un petit peu du sujet, il me semble, et on va revenir un peu plus au cinéma avec la première apparition de Venom. Dans Spider-Man 3, donc le Sam Raimi qui est sorti en 2007, avec Tobey Maguire qui, comme par hasard, garde sa mobylette à côté d'un météorite qui croule, et puis voilà, le symbiote se colle à la mobylette, et puis il se colle à Peter Parker, et voilà. Ah voilà, au niveau c'est facilité parti. Scénaristique. Tout à fait. C'est ce qu'on a fait de mieux depuis. Un météorite s'écrase, Peter Parker passait par là au même moment, avec sa mobylette et le machin, il s'accroche. Et voilà, on a un Spider-Man noir. Et puis pas un bon Spider-Man noir, hein. Un Spider-Man qui est vraiment ringard par moment. Hein. Ouais, un beauf quoi. Débile quoi, limite les débiles, Peter Parker est détestable. Et Venom aussi, il y a Andy Brock qui est joué par Topher Grace dans le troisième épisode. Et là, le Andy Brock il est vraiment pas bon quoi. L'acteur il cabotine à mort et je trouve son interprétation vraiment médiocre. Puis Venom, on le voit dans le final avec quand Spider-Man se retrouve face à deux à l'homme sable et Venom. Et puis il y a aussi l'intervention de Osborn, c'est Norman ou c'est Non, c'est Harry Osborn. Harry Osborn qui se transforme en gobelin, mais là qui finit un peu sa rédemption. Mais ça sentait qu'ils avaient claqué tout le budget dans l'homme sable en fait. Et le Venom, il fait un peu pièce rajoutée quoi. On va pas s'emmerder à lui écrire une origine. On a qu'à dire que Peter passait par là et puis voilà quoi. Ah ouais, littéralement c'est. Ouais. Bon, il faudrait qu'on mette Venom dans le 3. Bah, t'inquiète, c'est des fans, t'as qu'à voir faire une météorite qui s'écrase et comme par hasard, l'autre il est là. Le monde est pas bien pratique. Il est en train de regarder le ciel avec MJ. Tout le film pour moi est un gros défaut. Et, c'est vrai qu'après le deuxième épisode qui était vraiment excellent, alors on retombe vraiment dans la plus basse qualité qu'on pouvait avoir. C'est un peu dommage parce que ça termine la trilogie d'une bien médiocre façon. Voilà donc pour Spider-Man 3. Après, on a le Venom aussi dans l'univers Ultimate, oui. Spider-Man, plus dans les dessins animés. Mmh. Et c'est là où on nous montre une clique de Venom, enfin de symbiote, hein. Il n'y a pas que des Venom. Mais là, ça m'embête dans cette série-là parce que, je veux dire, tous les autres arrivent à contrôler le symbiote. D'accord. Je veux dire, Carnage, ça devient MJ, Venom, c'est Flash Thompson, et puis l'anti-Venom, c'est Harry Osborn, et puis tout le monde s'entend bien et tout le monde lutte avec Spider-Man. Mmh. Ça fait vraiment chelou en fait, tu vois. C'est. Ouais. C'est on est des symbiotes, on est méchants, hop, puis non, on est gentil, tout compte fait parce qu'on connaît Peter Parker. Il y a un tournement de situation qui est pas vraiment. Donc dans la version Ultimate, Venom est un peu différente au niveau d'origine, c'est-à-dire que ils ont développé une espèce d'organisme pour justement traiter le cancer. Parce qu'il faut se rappeler que Eddie Brock dans le comics d'origine est atteint d'un cancer et que Venom arrive à le stopper. Là, c'est Peter qui travaille sur l'organisme et puis il arrive qu'il est possédé par cet organisme et puis ensuite c'est Eddie qui s'en empare. Dans Ultimate, il y a toujours des arrangements pour donner un peu de matière au vilain parce que à la base Venom c'est un vilain, ce qui fait un peu défaut au nouveau film. Mais on va enchaîner sur le nouveau film. Donc ce film où l'histoire c'est Tom Hardy qui incarne le journaliste Eddie Brock, bon qui est un bon gars hein, quand même, on peut pas dire que ce soit quelqu'un de vicieux comme dans le comics, quelqu'un qui soit opportuniste, quoique on le montre un petit peu mais pas trop, et donc il met à mal un président d'une fondation un peu type Elon Musk qui organise des voyages dans l'espace, justement pour trouver de nouvelles planètes, son vaisseau qui s'écrase aussi, il arrive à contrôler ses organismes. Et puis il fait des tests d'abord sur un lapin et ensuite sur des hommes, sur des SDF, hein, on peut dire ça. Hein. Et donc ça tourne mal. Et puis au fur et à mesure de l'intrigue, on va pas tout dévoiler parce qu'il y aura plein de spoilers. Mais au fur et à mesure de l'intrigue, Eddie arrive dans ce laboratoire, il est infecté et il est obligé de cohabiter avec ce symbiote qui est pas franchement sympathique au début, qui ne pense qu'à manger d'ailleurs. Des fois, on tombe un peu dans la rigolade, hein, faut le dire. Le film est assez court, ça fait que on n'a pas le temps de s'ennuyer quand même. Il y a pas beaucoup de ventre mou, j'ai trouvé que ça passe assez bien. Au niveau interprétation, bon, Tom Hardy, il alterne entre le bon et le mauvais, je veux dire, parce que des fois il cabotine. Je pense notamment à la scène du restaurant où il est en roue libre totale avec les homards et tout ce que tu veux. Mais après t'as le casting secondaire, que ce soit Michelle Williams, que moi je trouve que c'est une très bonne actrice, Riz Ahmed qu'on avait vu dans Rogue One d'ailleurs. Et bon, alors du vilain, on voit sur ce problème, c'est qu'il est un peu caricatural aussi, lui. Hein. On voit tout de suite que c'est le grand vilain, qu'il a, il y a aucune nuance dans son personnage. Ouais, c'est un peu le vilain à Jurassic World. Ouais, c'est ça. On dirait un copier-coller entre Elon Musk hein, et le, le super vilain. Et le méchant de Jurassic World, ouais, le premier. Hein. Ouais, c'est le scientifique qui fait croire qu'au début, il œuvre pour l'humanité, alors que bon, c'est un peu pour sa pomme, quoi, finalement. Ouais, voilà, c'est vraiment le cliché. Je suis scientifique, j'ai plein de blé, je fais qu'est-ce que je veux et je vous emmerde. Bon, on va pas non plus citer toutes les incohérences, on le fera dans une partie spoilers. D'un avis général, moi je le conseille quand même. Je trouve que c'est divertissant. Maintenant, ça dénature beaucoup le personnage d'origine. Ça, faut le savoir. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Hein. Faut pas. Enfin, les fans, c'est bien, mais faut pas se contenter de cette base-là. C'est vrai qu'il dénature l'œuvre d'origine, mais pour celui qui connaît pas l'œuvre d'origine, moi j'ai trouvé ça plutôt plaisant à regarder. C'est pas le film de l'année. Hein. Non, disons que c'est abordable pour celui qui est pas fan. Quoi. Mais c'est pas la grosse merde qu'on nous a annoncée dans certaines émissions. Parce qu'il y a vraiment. Il y a vraiment des critiques qui ont été assassines de dire que c'est une bouse à navet. Ben là, bon, c'est rapide. C'est vrai qu'on sent quand même qu'il y a quelques coupures. Il y a des bons effets spéciaux. À part que moi, j'ai trouvé que c'était un peu bouillie numérique, le combo entre Venom et Riot. Ouais, c'est vrai qu'à ce passage-là, on a un petit peu la tête qui part dans tous les sens. Ouais. On sait plus dire qui est où et qui fait quoi au moment. Ouais, c'est ça. Ils sont entremêlés. Les scènes d'action, bon, en général, ça marche. Le personnage marche. Le niveau de la transformation physique, je trouve que ça marche. Il y a pas mal d'inventivité, notamment dans cette poursuite à moto où il est poursuivi par les drones et ensuite par les véhicules. Bon, il y a une variation dans les pouvoirs, dans le fait de pouvoir se rattraper à chaque branche. Moi, je trouvais que c'était sympa cette poursuite à San Francisco. Il y avait des moments sympas, hein, puis ça choquait pas spécialement. Ça paraît pas incongru étant donné les pouvoirs du bestiau. Il y a pas trop de ventre mou comme tu disais. Il y en a un petit peu, mais ça reste négligeable par rapport à des films où il y a un ventre mou colossal, genre on poursuit des vaisseaux pendant tout l'épisode. Mais sinon, là, dans Venom, on s'ennuie moins quand même. En spoiler, moi, je suis quand même content qu'ils aient réussi à sortir de l'univers de Spider-Man. Moi, ça passe dans le film. Hein. C'est pas parce qu'il n'y a pas de Spider-Man dans le film que ça me choque ou que je trouve ça nul. Hein. Au contraire, je trouve que bon, l'histoire, ça reste bateau. Hein. Voilà, c'est à la hauteur d'un Percy Jackson ou un truc dans le genre. Mais sinon, dans les scènes d'action, dans l'ambiance en général, je m'attendais à pire. Vu les critiques qu'il avait fait, je m'attendais à pire. Ouais. Et non, j'ai été agréablement surpris. Bon, c'est pas encore une fois le film de l'année, mais moi je trouve qu'il est regardable. Par contre, faut pas s'attendre à du sang parce que tout a été complètement évaporé dans le truc parce que il faut le rendre le film PG-13 donc il faut pas de sang. Donc quand il arrache des têtes, on le voit presque pas, mais c'est juste suggéré ou hors champ, on va dire. Et voilà quoi, il y a quelques incohérences, mais on clarifiera en spoilers plutôt. Ouais, enfin, on va faire une partie spoil pour ça parce que sinon on va tourner en boucle. Attention. Venom Platform, une alerte spoiler. On va s'attaquer aux spoilers, donc on va mettre en évidence certaines incohérences du scénario, et puis aussi les divers clins d'œil qu'on peut retrouver lors des multiples scènes, quoi. Alors tu veux commencer pour tout ? Bon, on va parler déjà du fait que c'est annoncé un petit peu à la Rampage, en fait. T'as un vaisseau qui s'écrase et on récupère des morceaux et t'en as un qui s'échappe. Donc déjà là, au scénario, tu sais que il va y avoir un combat entre deux symbiotes, dont un qui a eu le temps de s'entraîner et un qui a pas eu le temps de s'entraîner. Il y a eu la scène de départ, je l'ai trouvé un peu bizarre parce que t'es bien d'accord avec moi que le vaisseau qui rentre dans la stratosphère, il est complètement détruit par les poussées, tout ce qu'il peut y avoir. Donc on voit qu'il est en flamme, il est complètement enflammé, il est complètement détruit le vaisseau. Moi j'ai pas compris pourquoi les symbiotes ils survivaient quoi finalement. Bah tu vois, c'est ce que j'appelle l'effet Rampage, c'est-à-dire que le seul truc qui doit survivre, ça survit. Puis t'as un astronaute qui tombe, il y a encore à moitié vivant. D'ailleurs, c'est un clin d'œil déjà, un premier clin d'œil à Spider-Man, c'est le personnage de John Jameson. Ouais, le fils de Jameson en fait. Ouais, de Jonah Jameson, qui on se rappelle le rédacteur en chef du Daily Bugle. C'est ça? Ouais, du Daily Bugle ou du Daily Globe, ça dépend. Ça dépend du truc. Voilà quoi, on a une première référence et puis pour ce côté, on sait bien que il y en a un qui est contaminé, donc il va se barrer quoi. De toute façon, moi, dès qu'ils ont annoncé, il y avait 4 symbiotes, on en a récupéré 3, je me dis il y en a un qui s'est évadé et c'est pour ça que le vaisseau il s'est crashé. Il s'est planqué dans un être humain. Donc le symbiote, il se planque dans un être humain, il fait cracher un vaisseau, il a peur du feu, mais ça le dérange pas plus que ça. Quoi. C'est ça, c'est un peu bizarre, quoi. Des fois, il y a cette grosse incohérence dès le départ. Et puis après, t'as l'évasion d'espèce de T-1000, Terminator. Ça fait vraiment T-1000, hein, cette scène. Bah ouais, c'est... Enfin, je veux dire, le symbiote qui rentre dans une nénette, enfin, c'est... J'ai encore me fait engueuler par les féministes, moi. Enfin, bref, ouais, c'est vrai que lui, il a tendance à... Non, t'as le symbiote qui rentre dans une personne locale des Philippines, Malaisie, enfin, je sais plus quoi. Bon, enfin, c'est une infirmière, c'est pas ça. Voilà, c'est une infirmière, ouais. Et puis, bah, elle part à la T-1000, quoi. Ouais. Elle défonce le camion pour sortir, ouais. Et puis... Complètement raide, quoi. Moi, j'attendais Schwarzenegger derrière avec Hasta la Vista, mais non, ouais. On attend toujours. Ouais, puis en plus, il y a une scène où elle est dans un marché, en train de bouffer une espèce de languille, d'anguille, et puis, bien sûr, il y a trois mecs qui arrivent avec des flingues, puis ça fait un peu western, cette scène, mais bon. Et puis, tout d'un coup, son bras qui se transforme en lame, bah c'est exactement une scène du avec le T-1000, quoi. Ouais, ça fait exactement ça. Ouais. Puis, bah, je sais pas, moi, en Asie, j'oserais pas trop m'y promener. Apparemment, si tu voles une anguille, on tire dessus avec des flingues. C'est vrai que t'es vite mort, quoi, apparemment. Ah, pour une anguille, heureusement qu'elle a pas volé du cash, hein. Franchement, cette scène, elle était un peu inutile, mais bon, c'était un petit peu pour amener le personnage de Riot, quoi. Pour montrer qu'il balance des pics un peu comme dans X-Men, quoi. Ouais, que c'est pas n'importe qui, comme dirait Venom. Faut qu'on continue un petit peu dans l'histoire. Est-ce qu'il y a d'autres références, d'autres incohérences qui t'ont... Des incohérences, ouais, mais enfin, on va y revenir plus tard. Non, moi, j'ai noté les références quand Venom escalade la tour, quoi. Donc lui, il a besoin d'aller au 11e étage, mais il va tout en haut, hein, je sais pas pourquoi. C'est un peu bizarre, d'ailleurs, ouais. Ouais, voilà. Pour se casser la gueule après, d'ailleurs. Puis t'as une scène à la Spider-Man, si on fait le tour comme ça, avec la caméra, et puis on voit la gueule à Venom, quoi. Enfin, Spider-Man, lui, apparemment, il adhère pas au truc, il plante ses griffes, apparemment, dans le... Moi, j'ai vu qu'il plantait ses griffes, ouais. Des moments, il s'enroule autour, et puis... Ouais. Parce que même quand il tombe, parce que bon, bien sûr, les avions, ils passent à 500 mètres du sol, apparemment, à San Francisco, donc ça me paraît un peu assez dangereux comme ville. Ouais, d'ailleurs, il y a un problème, on le citera à la fin, vis-à-vis de San Francisco et de la baie, mais... Ah oui, on peut tout faire à San Francisco, hein, vous pouvez y aller, non, ça a l'air d'être une ville, si vous êtes terroriste, vous pouvez y aller. La séquence finale, c'est mieux. Non, parce que même la séquence de poursuite, faudra en reparler aussi, quoi. Enfin bref, Eddie Brock tombe du bâtiment, et tu vois, il se raccroche, on voit qu'il colle pas, parce qu'il arrache la moitié du bitume avant de se rattraper. Sinon, on a la scène de poursuite dont on parler, elle est bien tournée, hein, je veux dire, c'est assez intéressant de voir les capacités du symbiote qui sont complètement craquées, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est même... au niveau visuel, j'ai trouvé que c'était assez inventif, ça se renouvelait quand même. Ouais, moi j'ai trouvé ça assez spawnesque. Il y a une scène, par exemple, on va peut-être un petit peu faire un grand saut vers le combat final. C'est l'histoire avec les pointes quand ils sortent du dos de Riot, par exemple. Bah ça, c'est une scène qu'on retrouvait dans Spawn, par exemple. En même temps, c'est le même mec qui a fait le personnage, donc il y aura forcément des similitudes. Donc il y a un gros clin d'œil, d'ailleurs, au niveau du faciès du personnage. Bon, c'est un peu, on voit que Venom et Spawn sont un peu cousins, quoi, quelque part. Après, en incohérence, moi, j'ai aussi noté que le symbiote, il est pas compatible avec beaucoup d'humains. Hein, ouais. Parce que ça en tue pas mal. Et puis, les cobayes crèvent tous. Hein. Puis t'as Eddie qui arrive, il est super compatible avec. Ouais. Puis au moment où il est dans la merde, il se fait éjecter le symbiote, c'est sa copine qui récupère le symbiote et ils sont complètement compatibles aussi. Ouais, ça aussi. Alors ça, c'est un grand cas d'œil à la BD qui s'appelle Lady Venom, où justement Anne Weying, le personnage joué par Michelle Williams, là, il y a une BD qui est consacrée justement à ce personnage. C'était vraiment pour faire, tiens, regarde le fan, on te met Lady Venom 2-3 secondes. Ouais, dans les clins d'œil, moi je dirais que moi je me suis amusé parce qu'à un moment il tourne à 90 avec sa moto et moi ça m'a rappelé la scène de la Batmobile dans le premier Batman. Mais bon, ça c'est vraiment du pur fanboy, on va dire. Il déploie une espèce de cap de mur noir pour protéger les gens à un moment, tu sais, quand il arrive dans un appartement par la fenêtre. Ouais. Et je vois, Venom il bouffe tout le monde, mais les innocents il les protège, c'est alors qu'il est censé encore être diabolique. Ouais. Bon, faut voir. Et puis il change d'avis vite fait, Venom. On va en arriver à ce passage-là parce que la versatilité du truc, bonjour. Hein. Ah ouais, là on a un Venom, je vais manger, tuer tout le monde. Ouais, croquer des têtes, ouais. Ouais, deux minutes plus tard. Oh, je t'aime bien, t'es marrant, toi. Allez, je vais être gentil. Puis je vais te laisser parler du fait que. Il est censé tout connaître, mais ah après... oui, Venom qui dit à Eddie, je connais tout de toi, je lis dans tes pensées. Ouais. Et après, il voit l'ancienne copine d'Eddie, c'est qui? C'est qui celle-là? Il y a quand même rigolé, c'est quand même ridicule, quoi. C'est vraiment un truc de scénario, c'est nul. Ah ouais, je lis dans tes pensées. Ouais. Oh, c'est qui? Ouais. C'est quoi un méchant? Elle me plaît en plus, hein, Venom un peu vicieux, quoi. Elle me plaît. Ouais. Elle me plaît. Ah ouais, Venom, c'est un peu le DSK de l'univers. Il pense qu'à bouffer et à sauter. C'est vrai, c'est vrai. Bah ouais, donc il y a la poursuite avec Eddie. Il y a ouais la compatibilité surprise de parce que Riot passe de en fait de cette espèce de d'urgentiste à une vieille femme chinoise. Mais en fait, ensuite elle passe. C'est fulgurant avec Riot, mais moi j'ai compris ce qu'ils ont voulu faire en fait. Ouais. Riot, tu vois, ils changent d'hôte très souvent. Et au fur et à mesure du film, ils gardent les hôtes de plus en plus longtemps. Donc je pense qu'en fait, ils s'adaptent tout simplement à ces hôtes. D'accord. Je pense que c'est la seule explication que j'ai trouvée pour que ce soit cohérent, parce qu'en fait, ils mangent les autres de l'intérieur, et puis une fois qu'il n'y en a plus, bah, ils changent de repas, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que t'as vu au début, l'astronaute, c'est vraiment... Il y a la limite de crever aussi. Ouais, il était en train de mourir. Après, du coup, il saute sur l'infirmière, une fois qu'elle commence à crever, il saute sur la vieille, qui commence à crever, qui saute sur la petite fille, ça m'a fait penser à un film de Kubrick, là... The Shining, cette fille est psychopathe blonde, là, toute petite fille qui fait plus flipper que les adultes. Moi, ça me fait penser à les épisodes de X-Files, tu sais, avec... je sais pas si tu te souviens des espèces d'extraterrestres qui sont un peu huileux, qui rentrent dans les yeux et tout. Tu t'es piqué par une guêpe, ils deviennent comme ça, quoi. Ouais, ou bien, parce que t'as dans X-Files, t'as des extraterrestres, t'as plusieurs sortes d'extraterrestres, puis t'en as qui rentrent par les orifices, quoi, pour prendre possession. Ça m'a forcé un peu penser à ça. Ouais, puis voilà. Puis à la fin, bah, je te dis, il arrive à être en symbiose totale avec Riot. Avec le méchant, hein, comme Carlton Drake. Carlton Drake qui fusionne tranquille avec Riot. Ah mais tranquille, hein, pas le premier volontaire. Il est discret quand il se transforme, il casse tout. Il casse tout, il envoie tout bouler. Puis arrive il rentre le code, attends, je le fais moi-même. Et après, il tue tout le monde. Bah, commence par là, t'aurais gagné un quart d'heure. Puis en plus, il arrive à lire dans la pensée d'un mec qui est derrière lui. Enfin, je sais pas. Il y a des yeux derrière la tête. Ouais. Enfin bref, il semblait que dans l'univers des symbiotes, Riot voyait partout. C'est-à-dire qu'il voyait partout. Il était omniscient, quoi. Ouais. Non, il voyait partout. Ah bon. C'est-à-dire qu'il y a des yeux partout. Tout son corps, c'est des yeux. Ouais. Mais je suis pas sûr de moi. Ouais, bah comme on disait, il fout le bordel à San Francisco. Il fait ça tranquillement. Ah ouais, San Francisco, une bonne ville. Hein, ouais. Apparemment, on peut faire péter des bagnoles. Il y a plein de morts. Il y a plein de morts parce qu'il y a plein de bagnoles qui s'encastrent et tout. Ouais, avec des drones qui explosent. Moi, j'achète pas de drones. Ça pète partout. Ah, le drone, ça pète partout. La taille d'une canette de coca, il fait et tout péter. Et puis le pire, c'est quand même la base de lancement à côté du pont de San Francisco. Alors, s'il y a des retombées, il faut pas trop habiter dans le coin. Non, parce que franchement, si le vaisseau explose, ça déchire tout ce qu'il y a aux alentours. Quoi. Ah ouais, la marge de sécurité au lancement. Comme il explose parce que, mais là, ça va faire du dégât quand même, faut pas exagérer. Ah, mais les retombées, c'est pas grave apparemment. Hein. On peut retomber sur San Francisco, c'est pour une ville. De toute façon, ils pouvaient pas faire trop ça tourner à New York parce que ça a été ravagé par le chitouri. Il n'y a pas de ramification avec l'univers. C'est pour ça qu'il n'y a pas Spider-Man. C'est comme tu le disais, Spider-Man, il est mort. Il y a un caméo de Spider-Man quand même dans le film. Ah. Au moment, on nous montre un tas de cendres. Je sais pas si c'est un rapport. Peut-être, effectivement. Ça se pourrait que ce soit un clin d'œil au MCU. Mais apparemment, il y a une désolidarisation du MCU complètement dans ce film. Le seul truc en commun qu'il y a avec le MCU, c'est l'apparition de Stan Lee. Ça dure un peu plus longtemps que les autres, je dirais. Ouais, pas aussi longtemps que dans Thor Ragnarok ou des trucs comme ça. Ouais. Ça dure un peu plus longtemps. Puis il dit, prenez soin de vous, vous deux. Ouais. C'est toujours déconnecté. Ouais, c'est ça. C'est toujours méta, Stan Lee. Hein. Moi, je pensais qu'il était mort, le Venom, parce qu'il s'est frit. Il l'a protégé Eddie dans sa chute à la fin du film. Et moi, je pensais qu'il avait été cramé, mais tu te demandes comment il revient, quoi, finalement. Ouais, il devait en rester un bout. Ouais, il reste un bout, quoi. Enfin, il n'y a qu'à s'arracher un petit bout, le mettre de côté, il reviendra à chaque fois. C'est le scénario géométrie variable, le feu aussi. Premier, il s'écrase dans une navette en feu et il survit. Enfin, je veux dire, Riot, il arrive quand même à s'échapper. Et à la fin, il se fait cramer comme il aurait dû cramer au début, hein, dans le vaisseau. C'est ça. J'ai essayé de relever un petit peu les références par-ci par-là, mais c'est pas un film de fan. Ils nous mettent quand même des références parce que, je veux dire, si tu as pas les références, c'est pas grave. Tu vois quand même le film d'un œil correct. C'est pas comme un Ready Player One où si tu connais pas les références, tu l'as dans l'os. Là, tu l'as dans les yeux, surtout. Ou un film Fanboys, mais pas dans la même catégorie où t'as pas les références. Ouais. Tu comprends pas tout non plus. Qu'est-ce que t'as pensé de la prestation de Woody Harrelson dans le rôle de Cletus Cassidy dans la scène post-générique? Après, Cletus Cassidy dans les BD, c'est de mémoire, c'est un vrai psychopathe. Ah oui, complètement taré. Ouais. C'est-à-dire que c'est pour ça que Carnage est tombé amoureux de lui, parce que c'est deux psychopathes ensemble, donc on peut pas arriver mieux. Et puis, il joue bien les psychopathes, mais il faut dire quand t'es acteur, t'es à moitié psychopathe, il paraît. Ouais, Woody Harrelson, je trouve que sa perruque est un peu bizarre, mais à part ça, il fait souvent des films commerciaux, Woody Harrelson. C'est un très bon acteur, mais il fait souvent des merdes, c'est ça le problème aussi. Ouais, il a une tête de Robin Williams, moi, je trouve. Et oui, Robin Williams, je trouve qu'il a une tête plus sympathique que Woody Harrelson. Il fait un petit peu schizophrène des fois, je trouve. Je pense qu'on a fait le tour. T'as plus de, il y a plus rien qui te revient en mémoire. Non, à part, je te dis, moi, cette ressemblance vraiment entre le costume de Venom dégoulinant et tout, et le costume du Spawn, pareil, tu sais, ouais, un liquide. Aspect, non, un aspect, t'as pas envie d'y toucher, quoi. T'as l'impression que tu vas rester collé. Ouais, c'est ça. Et ça, j'ai, enfin, je veux dire, là, de suite Venom, ça se voit que les années ont passé, parce que moi, je trouve que le costume, c'est suintant, dégueulasse et tout. Moi, je trouve que ça rendait bien à l'écran. Il y a un beau rendu numérique, hein. Ça fait pas trop PS2, quoi, je veux dire. Ouais, ça fait pas fauché, comme fauché la fin de Spawn. Quoi, ouais. Moi, je trouve qu'au niveau budget, c'est bien respecté, et puis, bon, après, ça reste un scénario basique, hein. Faut dire ce qu'il faut. C'est basique, hein. Il y a certaines situations, tu les vois arriver de loin quand même. Hein. Ah bah toutes les situations, ouais. Tu les vois arriver de loin. Ouais, ouais. Surtout la fin où il y a la baston entre Riot et Venom, où Riot, il déploie tout son armurerie, quoi, quasiment. Ouais, il est quasiment invincible. Voilà, là, tu dis, monte dans le vaisseau. Il dit, non, je peux pas, j'ai discuté avec un loser, je suis un loser aussi, alors du coup, je suis gentil. C'est ça. Ça m'a fait vraiment bizarre. La versatilité du symbiote, bah, ça colle pas trop avec le personnage, quoi. Non, mais c'est parce qu'ils avaient qu'une heure et demie pour le faire, hein, c'est tout. Puis, hein, sinon, ils voulaient faire un Venom gentil, faut le dire quand même. C'est-à-dire qu'il s'humanise au contact des humains. C'est un peu comme Terminator. Mais là, ça fait vraiment rapide. Dans Terminator, dans le premier, il était pas humanisé. C'est dans le 2 où, comme il devait obéir au gamin, c'est là où il a appris à être humain en obéissant aux ordres du gamin. Ouais. Enfin, si on peut dire comme ça. Mais là, ça fait vraiment. Enfin, il le dit clairement. Hein. Oui, t'es un loser. Bah, moi aussi, j'étais un loser sur ma planète. Allez, copain, viens, on va sauver le monde. Ouais. C'est peut-être ça aussi l'histoire de la compatibilité. Si t'as le même caractère, conscience, bah, peut-être que ça passe mieux parce que Riot et l'autre. Donc la femme de Venom, enfin la femme de Brock, c'est aussi une loseuse alors. Parce qu'ils ont une compatibilité totale. C'est complètement con, mais. bah ouais, c'est un peu bizarre quoi. Même le clébard, il est compatible, tu vois. Bah, c'est une sale race, le clébard. D'ailleurs, le clébard, moi, je l'ai vu arriver de loin. Hein, il commence à. Soit il va se faire croquer, ou soit il va finir en. Voilà, en note. Moi, le clébard, dans l'hôpital, au début, je me dis, bon, lui, c'est un MacGuffin, il va se faire bouffer. Ouais. Et après, quand j'ai vu que Venom s'en allait par les aérations, je me dis, ah, bah, il va aller au clébard. Ouais, puis on le voit après, juste après. Voilà, juste après. C'est un peu dommage, hein, ces faiblesses de scénario. Bah, après, voilà, je me répète, mais on a une heure et demie, on a quand même une terre à sauver avant que la fusée se lance en 5 minutes. Tom Hardy a quand même dit qu'il y avait une demi-heure qui avait été passée à la trappe. Et, ça, c'est un peu dommage, hein, de passer des trucs à la trappe. Si tu prends Batman versus Superman, tout ce qui a été passé à la trappe, c'est con, ça alourdissait bien le scénario et ça rendait les. Bah, disons qu'il y avait une espèce il y avait plus de cohérence dans la version longue que dans la version. Mais ça n'empêche pas qu'il y a une très mauvaise scène que je considère à Doomsday qui aurait dû être virée, quoi. C'est des sagas qui sont faites sur des volumes et des volumes, et là, bah, il faut rusher, c'est qu'un film. Hein. Ah ouais. Puis il y a un gros problème aussi, bah, c'est un spoiler, on va le dire, hein. C'est qu'on voit la fin du film dans le trailer, quoi. Ah oui, on a le trailer. C'est exactement la même scène. Ouais. Et quand on voit le braquage là, de la vieille dans cette supérette au début, on se dit putain, bah voilà, il survit Venom à la fin, parce que cette scène-là, elle est à la fin, et on est un peu dégoûté, du coup. Ouais, déjà, bah, ça faisait un peu comme dans Amazing Spider-Man 2, où on voyait justement le rhino, et on l'avait vu dans le trailer, où ça se terminait sur... il balance la plaque d'égout sur le rhino, quoi, et ça coupe là, et c'est exactement ce qui arrive à la fin du Amazing Spider-Man 2. Donc on va conclure sur ces bons mots. On va conclure sur le fait que, moi, je voudrais vraiment dire que c'est pas la catastrophe annoncée. Non, moi, je lui donne un 2,5 sur 5. Ouais. Voilà. Ça mérite pas plus, c'est un bon divertissement. C'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est pas une merde annoncée non plus. Non, je crois que je vais mettre la moyenne. Je vais mettre, ouais, comme toi, 2,5. Bon, moi, ce que je déplore, c'est qu'on voit qu'il y a des scènes qui sont coupées, qui sont rushées. Voilà, moi, je suis d'accord avec toi, les scènes rushées. Et puis, par contre, moi, je suis content qu'ils aient sorti de l'univers Spider-Man. Ça nous fait un petit souffle de fraîcheur. C'est vrai. C'est vrai que ça sort du MCU. Bon, il y a beaucoup de blagues, hein, quand même. Il faut quand même avouer que la scène du restaurant, elle est un peu too much. Mais ça fait pas le syndrome gardien de la galaxie. C'est-à-dire, c'est pas une surenchère dans les blagues. Donc, ça passe. Non, c'est long. Hein. La scène est horrible. Oui, elle est ronde, longue. Mais sinon, c'est comme c'est court, ça va, ça passe. On ne peut pas agresser tout le monde. On peut faire tout ce qu'on veut. On est d'accord. Merci d'avoir écouté cette émission jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez laisser des commentaires sur la page Facebook dédiée et la partager pour la faire connaître. Et on vous dit à la prochaine pour une nouvelle pastille.